synthétique, femme plastique, moulée de cuir noir, poupée fantasme, paradis vinilique, plastique paradisiaque, Lady Coca-Cola. Moon, Maggie Garcia, Andy Coca-Cola, poupée plastique, moulée de cuir noir, phallus des 60s, Lady Coca-Cola.